Ma seule limite, c'est la distance. La distance qui détruit et affaiblit. Même si j'ai toute confiance, j'ai conscience que c'est une défaillance. Je veux te voir, te sentir, te toucher. Je plaiderai coupable d'avoir aimé. Ne me laisse pas ton fantôme, il hante chacun de mes psaumes. Donne-moi ta main pour ne plus jamais la lâcher. Mais tu m'échappes et la porte claquée, je tombe dans cet abîme que tu as creusé. Voleur de mon cœur, tu n'as pas le droit de le laisser s'abîmer. S'il te plaît, ne te rends pas joueur, tu contrôles mon cœur et mes pleurs. J'ai le mal du siècle et ça me met cœur. Je veux pas d'héros romantiques, je les connais par cœur. Tel Julien Sorel dans toute sa décadente splendeur. Même si tu reviens dans mon lit, pour nous enivrer toute la nuit, corps contre corps brûlant d'envie, ne serait-ce pas pour tromper l'ennui? Faisons des détours, mon amour, avant de déclencher le compte à rebours, où on ne pourra plus faire demi-tour, l'explosion nous rendra sourds. Je t'ai tiré 2 balles dans l'abdomen, prise dans les tourments de Verlaine, enferme-moi à perpétuité dans la bastide de ton cœur inhabité. Je veux trouver refuge dans le jardin de Picture, avoir la force du roi Arthur pour Excalibur, larguer le spleen de Baudelaire sur l'Ori. Dans tes yeux vagues, je t'en prie, laisse-moi rêver. Sois la noirceur de la lune et la chaleur du bitume, marchant déréalisé, les néons percent l'obscurité. Seulement le son de ta voix, Morphée, ne nous attrapera pas. Main dans la main, une dernière fois, plus rien n'existe contre toi. Wherever you go, go with all your heart. Je te regarde de Diamond, destination Paris. Je m'attache sur les rails de mon train de vie. Heure du départ, minuit.